êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 10 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle François Olivier. Et la semaine est déjà presque terminée pour nous. Exactement. On vient de commencer. Exactement. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir. Hein? C'est le retour de Simon Fitzbé. Hey, hein? Ça faisait longtemps. Dans ta face. Merci. Ouais. Il y a de la place. Il y a de la place en masse. On est. Donc, Simon Fitzbé qui va être de retour. En fait, pour mettre en contexte les gens, l'événement dont tout le monde parle sur Facebook, là, c'est le Janvier Pic. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça en parle beaucoup. Le hashtag se fait aller le la face. Donc, sur Twitter. Donc, janvier épique, c'est le mois dans lequel nous vivons en ce moment toute la société canadienne et québécoise. Et on a une nouveauté par jour, à tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à la fin du mois, non-stop, ça n'arrête jamais. Jusqu'à maintenant, on a eu une nouvelle chronique genre de sexe. Ouais. On a une nouvelle chronique télé. C'est vrai. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. On a notre 500e émission qui s'en vient très bientôt. Ouh. Oh, oh, oh, oh. Grosse affaire autour de ça. Mais oui, tu l'as dit, Simon Fitzbé va être de retour avec une nouvelle chronique. Il va être les lundis. Habituellement, on n'avait pas d'émission lundi, donc on l'a mis. C'est ça, exactement. 7h30. 7h30? 7h30. Non, c'est pas 7h30, 8h30. 8h30. Ben, j'ai 8h30 en tête, là. Je pense que tu as raison, mais Alexandra et Simon sont dans la deuxième heure de 8h à 9h. Exact. C'est ce que j'ai retenu, l'ordre m'importait pas vraiment. Mais Simon, il va être le lundi à 7h30 dorénavant à partir de... Génial. Bon, c'est dit. Aujourd'hui, ce qu'on a à 7h30, pour vrai, c'est Maxime Bilodeau. OK. Nouvelle case horaire pour lui, avec une chronique sur la culture sportive. Est-ce que je te dis un petit peu de quoi il va nous parler? Oui, vas-y, vas-y. C'est des affaires à venir en 2013. C'est très à la mode. On est bombardé de sens début d'année. Donc, il va s'adonner à un périlleux exercice de futurologie. Il va être question, entre autres, de pièces d'équipement intelligentes, d'auto-quantification, de neurosciences et, inévitablement, de chaussures de course à pied. Parce que lui, c'est son sujet, son dada. Ben, il nous en avait déjà parlé, des chaussures minimalistes. Oui, c'est comme des bas, mais avec des lacets. Oui, il n'y a pas grand-chose, en fait, au-dessus et en dessous du pied. Mm-hmm. Donc, je sais pas, mais bref, il ne devrait pas parler de tout ça. Pas de ceux-là. Pas de ceux-là en particulier. Des avancements dans ce domaine-là, j'en ai aucune idée. Donc, c'est à 7h30 dans sa chronique « D'une foulée à l'autre ». Sinon, qu'est-ce qu'on a? Alexandre Carignan, on l'a dit, qui va nous parler d'art et spectacle avec sa chronique « Le temps d'une culture ». Donc, Simon et Alex, les deux vont faire deux chroniques de suite, là, jeudi et lundi. Donc, amusez-vous avec ça. Et puis, autour de ça, une petite chronique, c'est un fait, un genre de juste un melting pot, là, pas de thématique aujourd'hui. C'est un fait là, rapide, bien parce que j'ai dit que je le ferais. Bon. Génial. Voilà. C'est le plan d'émission d'aujourd'hui. On va commencer avec une pièce du palmarès anglophone. C'est celle d'Anna Georges. On l'aime beaucoup. Son deuxième extrait s'appelle Enemies. Ça commence toujours bien une émission, ça. Tout à fait. On est tous amis, mais la pièce est Enemies. Essayez pas de trouver un lien avec vous, là. De toute façon, ça tourne pas toujours autour de vous, là. Mais non. Arrêtez. Sont-tu égocentriques, hein? croisé au foot bassin. Je suis un gars lucide. Le golf se vide. J'ai beau scruter les fonds, j'ai beau sonner l'alarme. L'écho me désarme d'un silence canon. S'ils veulent troubler les eaux, s'ils veulent brouiller les cartes à grands coups de cravate, je serai dans leurs pattes. Je prendrai la parole. Je guetterai notre seule boussole. C'est peut-être l'apogée de la bêtise humaine que de voler l'eau salée qui coule dans nos veines. Pendant que les rois, les princes se serrent la pince au casier du commerce, les lois se déversent. J'ai beau leur crier fort et redoubler d'efforts, ils n'entendent rien, rien d'autre que leur bien, rien d'autre. Sur la part du gain, ils comprennent rien, rien d'autre que le mal, les souvenirs que l'on ravale. Gloria, mon amour, emmène-moi faire un tour au bord du récif. J'ai le cœur au vif, la gorge en épissure. Pose ton baume sur mes blessures. C'était Louis-Jean Cormier, la pièce Au bord du récif, à Assemblage Requis. Et ça, ben, c'est tiré d'une série de documentaires. J'ai beau déjouer le vent, jaser au foot bassin. Ça repart ou? Ouais. Non, attends. Je suis un gars lucide. J'essaie de voir pourquoi ça fait ça. C'est pas grave. Donc, ça vient de... Non, est-ce que j'avais quelque chose à lire sur la page? Moi, là, puis j'ai fermé la page, puis ça arrête de jouer, là. Donc, Les Voix humaines est une série documentaire qui propose des rencontres entre des auteurs, compositeurs, interprètes francophones et des gens au parcours de vie marginal. Chaque épisode permet à un artiste d'ouvrir ses yeux sur une réalité qui lui inspirera la création d'une nouvelle chanson. Et ça a donné, donc, Au bord du récif. Allez voir sur soundcloud.com/ Les Voix humaines. Génial. Superbe. Maintenant, François, soif de savoir, soif d'apprentissage. Toujours. Sors ton crayon Bic. Bic? Numéro, comment on appelle ça? Je sais pas. B. En fait, on n'a même pas de Bic ici. Non, hein, on est poche, hein, pas mal. Non, j'ai un pilote, par exemple, un pilot. Les gens disaient pilot, je pense, quand ils étaient jeunes. Je sais pas. Non, en tout cas. C'est un fait. Ouf. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Cette semaine, encore une fois, et on a repris nos mauvaises habitudes pour certains, bonnes pour d'autres, de faire des c'est un fait tous les jours parce que on essaie d'avoir une nouveauté par jour pendant le mois janvier pic. Tu sais, ça va te dire ça, janvier pic hashtag, non? Fallait bien que je parte le hashtag pour qu'au moins ça aille un hashtag, cette affaire-là. Ouais. Avant que je me le fasse piquer par quelqu'un d'autre, genre au hockey à draft. Alors, ouais. Donc, question d'avoir une nouveauté par jour, je fais des c'est un fait tous les jours pour que la semaine prochaine, je puisse faire une nouvelle chronique par jour. Donc, commençons avec le mot dactylonomiste. Sais-tu ce que c'est? Quelqu'un qui tape à la dactylo? Non, ça aurait eu du sens. Hein? Ouais. Non, c'est quelqu'un qui compte sur ses doigts. Comme moi, au palmarès, quand les positions, ça monte de la 15e à la... C'est de la 14e à la 8e, il faut que je compte mes doigts. Je suis pas très bon. Donc, dactylonomiste. Le record mondial pour le récit de Pi, tu sais, Pi, le petit symbole Pi, okay. Ouais. C'est Chao Lu en Chine. Et il connaît par cœur les 67 890 premiers chiffres de Pi. 67 000, il est malade mental. Débile profond. Mais je connais les quatre premiers dépassés la virgule. Je sais que ça commence par un 3. Ensuite 3.1416. 14-16, mais ça c'est arrondi, c'est 14-15. Ouais, 14-15, puis là ça finit plus. Là, c'est tant qu'à dire les vrais premiers chiffres, je sais pas si on devrait arrondir, il me semble tout ça un petit peu. Ben j'arrondis parce que 67 000. 7890, ça fait presque 68 000, c'est presque 70 000. Ah, ouais, c'est malade, là. C'est malade. Beaucoup trop. Mais il y a des... quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont le focus sur un seul sujet bien précis. C'est un désordre mental. Que voulez-vous? Les parfaits. Tu te rappelles l'émission avec René Simard, je pense que c'est ça. Les parfaits. Non? Oui. Oui, ça me dit quelque chose. Une famille de gens parfaits, je pense. Mais c'est pas ça. Là. Les parfaits. Perfect. Oui, ça rappelle. Ouais, okay. Donc, c'était un culte à l'époque, une secte médiévale, les parfaits, the perfect, okay, qui abandonnait la viande et les relations sexuelles pour devenir des anges plus tard. Les parfaits. L'origine du mot. Pas l'origine du mot, là. Mais bon, genre ouais, d'appeler quelqu'un les parfaits, ça venait de là. OK. Les singes Colobus angolans noirs et blancs. Angolan, black and white, Columbus monkey. Ah, des pandas. Je sais pas, peut-être. Ah non, je sais pas. Ah, noir et blanc. Noir et blanc. C'est trop facile. Peut-être les amis. Bah, je sais pas. Peut-être couchent ensemble, ça fait des bébés pandas. Je sais pas. On sait pas. Donc, ils rotent pour dire bonjour à quelqu'un. A burp. T'es à la place de dire bonjour, bonne année, ça. Mais dans des pays, c'est très bien vu, un roté. Après un repas, quoi, ouais, tu sens c'est que tu as bien mangé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme les pays où il faut pas que tu vides ton assiette. Là. Ah, si tu vides ton assiette, c'est impoli. Okay. Ah, si t'as tout mangé, c'est impoli. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on est dans cet effet, puis évidemment, j'ai pas les informations de quel pays que c'est. Non, c'est ça, non plus. Mais ça existe. Bon. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Mais on l'a. Donc, en utilisant de la pression, de l'extrême haute pression, tu sais, vraiment très, très élevée que personne ne va pouvoir faire vraiment dans la vraie vie, des diamants pourraient être faits à partir de butter peanut. Du butter peanut, haute pression, ça fait des diamants. Qu'ils disent. Mais c'est selon un compte Twitter de quelqu'un que je connais pas. En qui j'ai très confiance. Ah ouais? De QI Elves. C'est toujours vraiment bien fait. C'est une émission de télé britannique. T'as 10 fois plus de chances de te faire mordre par un autre humain que par un rat. OK. C'est la rage, je crois. Ouais. J'imagine. C'est ça, quand t'as la rage, ouais, tu vas te mettre à mordre du monde. Toujours dans C'est un fait, aujourd'hui, c'était encore une fois un bloc sans thème bien particulier. On reste par contre dans les rats, cette fois-ci. Ils passent 40% de leur temps à se nettoyer eux-mêmes. Ah ouais. J'ai l'impression que c'était super sale. Oui, moi aussi, on a vraiment tendance à penser ça. J'aurais pensé que les chats seraient plus... T'sais. Mais il me semble que les chats passent pas 40% de leur temps à se laver. Ils passent au moins 90% de leur temps à dormir. Fait que mathématiquement, même si t'sais, avec ma dactylonomie, là, je pourrais pas te compter ça. Hein? J'essaie de... Bon. Lorsqu'ils marquent leur territoire... Ah, les pandas! Tes amis, les pandas noirs et blancs. Ouais, je savais que t'allais en parler. Lorsqu'ils marquent leur territoire, les pandas vont se mettre debout sur leurs pattes d'en avant, donc faire un handstand, tu sais, sur les mains, si on veut. OK. Bon. Contre un arbre, ils vont se mettre les mains, les pattes d'en avant debout, ils vont se tenir contre un arbre et ils vont pisser aussi haut que possible. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est pour mettre revenir dessus, là? Ouais, j'imagine qu'ils doivent se prendre à un angle pour pas que ça arrive. Ouais, il marque son territoire sur lui-même. Je m'appartiens. Je m'appartiens à moi-même. Je suis ma propre personne. Mais c'est très méchant, un panda. Hein? Ça a l'air super gentil, là, mais à ce qui paraît, c'est très, très, très méchant. Ben. Va pas lui faire un câlin. Non, non, non. Je vais aller chercher des images pendant ce temps-là. De panda, j'essaie d'insérer pendant. Ouais. Cacotopie. Cacotopie. Cacotopie, c'est quoi ça? beaucoup de bruit, non, cacophonie. Cacophonie, hein, peut-être quelqu'un qui aime ou qui a envie d'entendre bien du bruit. Ouais. Non. C'est un état dans lequel tout est aussi mauvais qu'il pourrait possiblement l'être, ou tout tourne mal. Okay. Quand tout va mal dans ta vie, tu te dis, il n'y a rien qui peut bien aller. C'est de la cacotopie. OK. Cool, hein? C'est très cool. C'est que je te le souhaite pas. Non, c'est ça. Je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Donc, il y a au moins deux cas de transplantation, ouais, de mains. Okay? Bon, donc, la personne aurait perdu ses deux mains, il se fait transplanter deux mains de quelqu'un d'autre. Et le patient qui a vécu cette transplantation-là, ce transplant, est devenu soit droitier ou gaucher, alors qu'il était le contraire. Bon, ouais. Ça... C'est génial, ça, non? Je pense que c'est le cerveau qui déterminait ça. Mais non, mais... C'est arrivé au moins deux fois. Il y a deux cas de transplantation double de main. OK. Où la personne est partie. Ça, l'histoire ne dit pas si l'autre avant était gaucher ou... Non, c'est ça. Ça ne dit pas si la personne à qui les mains appartenaient était gaucher ou droitier. Mais ça dit qu'il y a la personne qui était gauchère qui a eu le transplant. Devenu droitier. C'est vraiment fascinant, ça. Genre. Ouais, ça me surprend. Moi aussi. Les chirurgiens américains laissent plus de 4000 objets étrangers dans le corps de leurs patients par année. 4000. Ça adresse, là. Tu sais, mettons, ciseaux, de la gaz, là, comment ça s'appelle ça, de l'affaire qui absorbe. Ouais, ouais, des gazettes. Je sais pas quoi. C'est pas bon dans ton corps, ça, j'imagine? Je sais pas. Ben, tout, là. Ça risque que c'est un corps étranger. Il y a rien de bon là-dedans. Un autre mot, Joko Sirius. Joko Sérieux, mettons, quand je vais le traduire comme ça, littéralement. La Joconde, peut-être, la toile, chose. Non, joke au sérieux, c'est un mot qui veut dire c'est à moitié une blague, à moitié sérieux. OK. OK. Donc, tu peux insérer ça dans une conversation. Joke au sérieux, tu sais pas si c'est une blague ou si c'est sérieux. Eh bien. Spectrophobie, c'est la peur de te regarder toi-même dans le miroir. Spectrophobie. OK. Il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur Terre. Ah, oh, ouais. Bon, toujours bon savoir. Plus de voitures sont volées le jour du Nouvel An que n'importe quel autre jour de l'année. OK. OK. Le mot « fuck » est utilisé 257 fois dans le film fiction pulpeuse, Pulp Fiction. Fuck! 257. Fuck! Fuck! D'avoir un montage de ça là, sur YouTube. Oui, oui, oui, des supercuts. Là, lorsqu'on met un coquillage près de son oreille, ouais, vous pouvez tous deviner, mais quand même, c'est le son du sang dans tes veines et non pas l'océan. Ah, oh, ouais. C'est le son du sang. Je pensais pas que c'était vraiment l'océan. Non, mais. C'est vrai que c'est quelque chose, je sais pas c'était quoi. Ouais, je pensais pas que c'était le sang. Dans tes veines. Bizarre. Fascinant. On parle de grosses vedettes célébrités. Tu sais, les gens qui, dans des chansons, vont dire leur propre nom. Tu sais, mettons Jason Derulo, à chaque début de chanson, c'est Jason Derulo. Ben, son vrai nom de famille, c'est Desrouleaux. Tu sais, Desrouleaux. En français, Desrouleaux. Un peu moins spectaculaire. Jason Derouleau. Brad Pitt. Un peu comme moi pendant les fêtes, c'est chupé le devant d'une dent. Mais lui, il l'a fait par exprès pour son film Fight Club. Ah ouais? Qui en français s'appelle comment? Drôle de combat? Non, mais Fight Club Fight aussi, je pense. Il voulait tellement donc entrer dans le rôle de Tyler Durden. C'est cassé le devant dans le dessous. Là. Oh! J'aurais pas fait, moi. Non. Pour un rôle? Non. Pour les millions de dollars? Non, pour les millions de dollars? Non, ben là, il est pas en plein, là. Non. T'sais, un de plus, un de moins. À ce niveau-là. Ah, d'accord. Marky Mark and the Funky Bunch. Tu connais Marky Mark? No. Mark Wahlberg, l'acteur qui est dans les films. Ouais. Il y a une troisième tétine. Je te jure. Ouais. Ça arrive souvent, ça. T'as vu? Non, tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas vu. Non, mais faisons des recherches. Allons voir ça sur Google. En même temps que les photos de panda debout en train de pisser le plus loin possible. Marky Mark, Mark Wahlberg. Facebook fait des tests en ce moment, OK? Ça veut pas dire que ça va arriver, ça veut pas dire que... T'sais, si vous êtes parmi le groupe de gens sélectionnés, ça pourrait vous arriver à vous, mais pas à tout le monde. Facebook teste. Ils veulent charger 1$ pour envoyer un message... Ben, dans l'inbox, le message privé, à quelqu'un avec qui t'es pas ami. Ils veulent faire ce test-là pour décourager les gens. Ben, pourquoi? Ben, tu sais, des fois, t'écris des messages à quelqu'un que tu connais pas, tu sais, pour pouvoir avoir accès à ses photos, je sais pas quoi, genre, t'sais. Ah, parce que si tu y écris, tu vas avoir accès à ses photos? Non, mais tu peux faire comment, tu sais, accepte-moi, tu sais, je connais telle personne que tu connais, ou tu sais, genre, t'sais, tu fais semblant de. Je sais pas. Mais 1$ par. Ouais, apparemment, là. Tu sais, je lis en bas du message, il y a des gens qui disent que ça doit pas être vrai. Nanananana. Mais bon, apparemment. Il y a un article sur newser.com qui en parle. Ça a l'air crédible. Ça a l'air. Ça a l'air à ça. Harrison Ford travaillait comme charpentier avant. Il travaillait en fait sur un plateau de film quand George Lucas lui a demandé de lire les répliques d'Han Solo. Et de fil en aiguille, finalement, il a eu le rôle. Harrison Ford. Dans Star Wars. Je l'aime, lui. Oui, bon, hein? Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. C'est-tu ce que j'aime ou les tortues? Hein? Les tortues? Tortues ninja. Tortues ninja. Certaines tortues peuvent respirer par leurs fesses. Pourquoi certaines tortues? Je sais pas, mais des sortes certaines. De tortues. Certaines. La France a une petite population de kangourous sauvages. OK. Ouais. Toujours intéressant. Les vaches. T'as compris dans un petit genre de demi-segment animalier ici. Les vaches ont des meilleurs amis et sont stressées lorsqu'elles sont séparées de leurs meilleurs amis. Oh ouais. Les écureuils oublient environ 50% des endroits où ils ont caché leurs noix. 50%. C'est ils en mettent partout. Hein? Ils veulent en avoir pour eux autres. Et ils sont tellement égoïstes. Selon Criolla, l'enfant moyen va comment dire, finir, ou en tout cas user à la corde, 700 crayons de cire avant son 10e anniversaire. Oh ouais. 700. C'est beaucoup. La version originale de la Coupe Stanley. On parle de sport ici. La Coupe Stanley, c'est au hockey. Ouais, exactement. Pour ceux qui savent. Mesurait environ 7 pouces et demi de haut. La première Coupe Stanley. Ça se rajoute. Il y a des étages qui se rajoutent à chaque année. Et si je me trompe pas, là, c'est le seul trophée sportif là, où le nom de tous les joueurs, en fait, là, de chaque équipe qui a gagné à vie. De chaque équipe, ouais, c'est ça, exactement. Mais il y en a une à chaque année, donc il y a vraiment des milliers de noms, j'imagine, des centaines. Ouais, ouais, mais écoute, je l'ai jamais vu, mais ouais. J'imagine que ça doit être. Il barre les anciens du Sharpie, puis non, met du tape par-dessus. une course de dog sled, tu sais, traîneau à chien, ouais, exact. A été montrée pour la première fois aux Olympiques d'hiver en 1932 et encore une fois aux Olympiques d'Oslo, mais ils n'ont jamais été officiellement. Non, c'est ça, ça l'est pas encore. Ça l'est pas encore et ce sera peut-être jamais un événement olympique officiel. Mais c'est bizarre, tu sais, c'est pas des performances humaines. Ben, c'est les chiens qui ont le talent là-dedans, c'est ça qui court. Hey! L'autre, c'est quoi, un fouet? Ouais. Non, c'est pas des fouets, c'est des couis. Des couis. Des cris? Des couilles. Non, un coup de fouette aussi, je pense. Ouais, oh, ouais. Ça a l'air un petit peu pas très bon pour les animaux. Ouais, puis ça, en même temps, écoute, le dopage animalier. Ouais. Je sais pas. Dogpage. Ben, le dogpage. C'est répandu, là. C'est ça. Le disc golf. Le golf. À disque. Ouais. Le golf de la disque, c'est quand tu trappes ton bâton sur la face de Céline Dion. De l'animateur. De l'animateur. Donc, c'est similaire au golf traditionnel dans le sens que tu as un tee. Ouais. Okay. T'as pas de balle. Tu as un trou. Okay. Mais à la place d'utiliser des balles et des bâtons, les joueurs utilisent différents types de disques. C'est comme le frisbee. Comme un genre de frisbee. Moi, ça m'énerve, ça. Le frisbee? Non. Non, ça, de prendre un sport, de changer. De rajouter ou d'enlever quelque chose et d'en faire un autre sport. Mais en même temps, on n'a pas les détails. J'aime mieux le mot détaux. Ouais. On ne sait pas, est-ce que les deux ont commencé en même temps et il y en a juste un qui est devenu plus populaire? Est-ce que c'est vraiment un cas d'imitation si on n'est pas allé lire la page Wikipédia sur le disc golf? Ouais, je sais pas. Je suis allé voir des photos par contre. À place d'avoir un vrai tee, tu as comme un genre de tige, OK? Avec un cercle en haut avec un numéro, donc c'est comme le numéro du trou. Et tu as un panier à peu près à mi-chemin de la pôle, OK? Dans les airs, tu as un petit panier. Et tu as un disque. Et tu dois lancer le disque d'une certaine distance jusque dans le panier. Donc, il faut quand même un certain, ben, pas mal un talent, finalement. Et puis, je trouve que ça ressemble tellement pas au golf que ça pourrait juste porter un autre nom. Un peu comme n'importe quoi, l'Ultimate Frisbee. T'sais. Juste un autre sport. Pas besoin d'appeler ça le disc golf. Ouais. Je trouve ça dommage de devoir comme capitaliser sur un autre sport. Le tennis sur table, le ping-pong, les balles peuvent voyager à partir de la raquette à 105,6 000 à l'heure. C'est ta barouette, hein? Je suis pas rendu là. Non. On parle en termes de centimètres à l'heure. Durée de jeu dans une partie de la MLB, la Major League Baseball, c'est 9 minutes 55 secondes par match, malgré le fait que le match, la partie dure environ 3 heures. 9 minutes de 55. On termine très rapidement, il nous en reste deux. Pittsburgh est la seule ville américaine où les trois équipes sportives portent les mêmes couleurs. Ouais, noir et orange. Non, tu vois, je t'aurais pas. Noir et jaune. Excuse. Ben, jaune. Tant qu'elle dit, tu l'as pas à la fin. Ah, là, ça. Les Steelers, les Pingouins et puis les Pirates. Les Scooby-Doo. Les Pirates, c'est une sorte de biscuit au Buffinot. Les Pirates, c'est. Ben non, c'est une équipe de baseball, Matt. Ah oui. Un groupe. Ils mangent des biscuits sur le terrain. Sur le terrain, je sais pas. Peut-être. C'est tellement relax, le baseball, pour vrai. C'est 9 minutes 55 de jeu. Le reste du temps, tu manges des biscuits pirates. Mais hein? Ben, écoute, moi, je m'ennuie des expos à Montréal, pour vrai. Ouais. Je trouve ça plate. À la place de te battre pour les Nordiques, tu te battrais pour les expos. Ah, solide. 100%. Solide. Dernier fait, le sport du rugby est nommé... c'est bizarre, là, je savais pas ça, mais c'est nommé en hommage à l'école Rugby School. Où le jeu a été joué la première fois. Rugby School, c'était pas une école de rugby, c'est juste l'école rugby. Ça vient de là. Ben, on va retourner en musique avant d'accueillir Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre qui s'en vient. Nouvelle case horaire pour lui, retenez-la, elle va être comme ça pour le reste de la session, à moins que les choses changent, mais sinon, ça devrait être ça. On s'en va entendre Grizzly Bear et leur pièce Yet Again, tout de suite sur le palmarès anglophone. Et après ça, ben, on parle de culture sportive. On fait des prédictions pour 2013, on va voir. C'est un pool, ça? C'est un pool. Tu mets l'argent que tu veux sur la table. T'as laissé ça jusqu'à la fin de l'émission. Puis on s'arrange. On s'arrange. Hein? Je m'arrange. No surprise, this is all.

êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 10 janvier 2013. Il est François-Louis Marchand. Il est Mathieu Plante. Oui, quand Maxime Bilodeau est parti tantôt, j'ai oublié de dire de prendre soin de son gouverneur central. Ah, je pense qu'il le fait. Ouais. Prendre soin de son gouverneur central, ben, tu sais. Je pense qu'il fait attention. Tout à l'heure, Simon Fitzbé. Avec sa chronique Le Chiolage. Yes, sir. Que j'ai pas encore le nom. Peut-être qu'il va s'appeler ça en pleine face aussi. Je sais pas, on n'a aucune idée. Pour l'instant, par contre, voici une pièce de l'indice. Une meilleure personne. J'espère que c'est ce que vous serez en 2013, une meilleure personne, en suivant les résolutions que les médias vous imposent. siècles à venir pour guider les humains sur ce sombre chemin. Sur ce sombre chemin. Vous ne parlez plus qu'à travers des écrans. L'imagerie qui devait vous faire sauver du temps. Vous ne penserez plus et le feront pour vous. Vous ne serez plus jamais seul, mais toujours seul partout. Vous traiterez vos semblables comme des animaux. Prisonniers des enclos comme de villes, troupeaux par millions. Ils mourront de sécheresse et de faim pour que se perpétue trop fasse de festin. Vos vies s'étiolent, vont jusqu'aux âges vénérables. Combattant de nouvelles afflictions incurables. Vous porterez des masques comme des pestiférés. Effectuerez les masses et puis les guérirez. À vos filles et vos fils, vous crierez. Changeons tout, mais il sera trop tard. Vous laisserez tout derrière pour un nouveau départ. Vos vies s'étioleront jusqu'aux âges vénérables. Combattant de nouvelles affections incurables. Des pestiférés, effectuer les masses et puis les guérir. Quand je suis enfin sorti de cette rêverie, j'ai vite chassé ces visions de mon pauvre esprit. Les hommes sont des sots et cela j'en conviens pas au point de me léguer ce triste destin. C'était une pièce de Noël qui s'appelle Nostradamus. On l'avait jamais entendu ici, assez fou. Donc, première diffusion pour ça. Dans quelques minutes, Simon Fitzbé est là pour sa chronique d'humeur, mais je tenais à vous adresser la parole, toi, public, et toi, François. Le retour de Simon Fitzbé. Le retour tant attendu. C'est pas exceptionnel. Hein? 2013, c'est une belle année. On a fait un big deal quand il nous a quittés au mois d'août. Hein? Fait que finalement, il a réussi à taffer 4 mois, puis il est revenu. Donc, voici Stars et Backlines. Sur C'est fou. C'est celle-là? Non, c'est celle-là.

sauvage avant de partir ou mieux revenir. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. Depuis que je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis. Mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. D'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. Au retour, on ajuste nos montres pour l'heure du temps d'une culture. Ça marche moins bien. Assemblage Rock. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Lundi, à Assemblage requis. Comment on s'ennuie déjà, Simon Fitzbiss sera de retour avec sa chronique d'humeur. Et Alexandra n'a même pas fait sa chronique aujourd'hui encore, mais elle va être aussi le lundi. Donc c'est à Assemblage requis dès 7h. Assez fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 8h35, François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Ouais, Alexandra, moi, je la reconnais déjà presque plus. Ça fait comme 3 semaines qu'on n'a pas animé ensemble. Et plus au palmarès, rien, c'est fini tout ça. Ben non, hein. Je t'ai laissé tomber. Ah, oh, c'est correct. Elle a une petite air sérieuse. Non? Elle est rendue professeure, ah, madame est rendue professeure. C'est ça. Ben oui, je suis rendue professeure. C'est cool pour vrai, je suis vraiment content pour toi. Félicitations. Ben oui. Au collège La Flèche. Ben oui, toi. Ben un beau merci, collège. Moi, oui. Et tu vas enseigner quoi? L'histoire. OK. En fait, l'histoire de l'Occident. Tu sais le cours de 45 heures où est-ce qu'il faut que tu enseignes de la préhistoire à aujourd'hui? Ah! OK. Ouais. Compliqué. Très... tout simple. C'est cérébral, tout ça. J'ai quasiment le goût de leur passer le générique de Big Bang Theory. Là. Oui, ah! La chanson, là, c'est l'histoire, c'est ça. C'est ça, voilà. Voilà. Arrangez-vous avec ça. Arrangez-vous avec ça. Mets ça dans ta pipe. Bon, donc t'es de retour, par contre, à Assemblage requis. Tu vas être les lundis à 8h30. Exactement. Là, vous avez remarqué qu'on est jeudi. Oui, ben c'est un petit spécial cette semaine. Spécial. Tu vas faire 2 chroniques de suite comme blabing. Moi, je suis efficace de même. Ben, t'as l'air à ça. Moi, Madame l'intelligente. Madame l'intelligente. Oui, je l'appelle de même. Dorénavant. Donc, voici le temps d'une culture. Et voilà! Ça commence bien de chronique, ça, non? Hey, oui, hein, j'étais en feu ce matin. Et ce matin, en plus, on parle d'énergie. Je vous parle de musicalité aujourd'hui. On n'est pas dans le théâtre, on n'est pas dans... que de la musique. Que de la musique. Un petit peu de théâtre, j'ai menti. Mais c'est majoritairement le spectacle de tout pour vous animer cette session-ci. Parce que, attention, les extrêmes... ça nous anime! C'est le nouveau slogan. Ben oui, ça, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est Alexandra qui l'a trouvé. Crédit. C'est fou, hein? 89.1. Crédit, Alexandra. Ah, c'est, mon copain fait la même affaire. Ça me tape ses nerfs. Tout le monde fait ça, c'est fou, 89.1. Alors, regarde. Bref, aujourd'hui, je vous parle de deux choses. Premièrement, une sortie CD qui a été très attendue. Elle n'est pas sortie en 2013, mais bien en novembre 2012. Mais ça vaut la peine d'en parler parce que c'est sur le nom, c'est sur les lèvres de tout le monde. Je parle bien du CD de Karim Ouellet Fox, qui est son deuxième album. Plume, son premier album, est sorti en fait en 2011. Ça a eu quand même un très bon succès, mais plutôt... Underground quand même. Underground, c'est ça. T'sais, le monde l'aimait, mais pas à en faire comme... Wow, écoute ça. Mais c'était très bon. Moi, j'ai adoré ça. Ah, c'est fou, on a vraiment capoté. Karim Ouellet. Karim Ouellet, c'est super bon. Et mon titre, je me suis trouvé bien drôle. J'ai regardé les titres par rapport au... son CD s'appelle Fox, hein? Ouais. Et les jeux de mots par rapport au renard, là, c'est à la panoplie dans les articles sur Karim Ouellet, vous allez voir. Moi, j'ai décidé de « La pop devient rusée ». Ah, rusir! Mais c'est quand même intéressant parce que c'est quand même pop, Karim Ouellet. Oui, c'est vrai. Mais c'est une pop qui est recherchée. C'est accrocheur. C'est très accrocheur, mais ça a des côtés souvent reggae, folk, jazz. Puis des fois, tu fais « Oh mon Dieu! » Mais pourtant, c'est super bon. Il réussit tout le temps à trouver le riff accrocheur qui fait que la chanson est bonne et que le CD est bon. Son deuxième album, Fox, faut dire qu'il l'a fait... Il n'était pas parti de nulle part. Là. Il a quand même été finaliste au Francouverte en 2011. Il a aussi été sacré Révélation musicale Radio-Canada 2012-2013, donc tout récemment. Là. Okay. On a beaucoup entendu parler de Lisa Leblanc, ben, qui a ça, été sacré Révélation musicale, mais Karim Ouellet aussi. Tu sais. Ouais. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et le monde commence plus à l'écouter. Moi, mon copain travaille dans un magasin de disques et lui-même dit « j'en vends souvent ». Je suis contente parce que Karim Ouellet, c'est très, très bon. C'est un black. C'est bizarre, hein? Mais avant, il faisait du rap, hein? Avant, il faisait du rap. En fait, il fait encore partie du collectif qui s'appelle Mauvaise Herbe. Oui. Moi, sans le savoir, c'est là que je l'avais vu la première fois parce qu'il y avait une toune qui jouait à Musique Plus. Là. Mauvaise Herbe, ça me dit rien, moi. Ben, moi, quand j'ai entendu la chanson, là, je savais c'était quoi. OK. Bon. Je m'en rappelle plus c'est quoi, là, mais... Elle est bonne, hein? Elle est bonne, hein? C'est avec les gars d'acronymes, C'est une paire, là, on mais... On est pas dans ce domaine-là, ben souvent. Non, c'est du rap francophone. Et lui-même rappe très bien. Ah ouais? Oui. Mais pourtant, pas... La carrure, le rappeur. Ben, bon. Ouais. Non, c'est quelqu'un d'assez chutif. Réservé. Ouais. Ouais. Et oui, chutif. Effectivement. Ma grand-mère disait ça. Comment? Ma grand-mère disait ça. Quoi, chutif? C'est quelqu'un de chutif. Mais chutif, c'est quelqu'un de... Pas baraqué, là. C'est le contraire de baraqué. OK. Ouais, oh, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de chétif. Pas un joueur de football. Je pensais que c'était un peu plus espiègle aussi. Espiègle? Ah, oh, ouais? Ben, je sais pas. Mesquin. Okay. C'est pas une chronique linguistique, mais c'est pas grave. Alors, fait que c'est ça, c'est quelqu'un. Et il est originaire du Dakar. Il a grandi entre le Canada, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie. Non, en français, il me regarde, je crois pas le jeu de mots là-dessus, c'est pas trop facile, là, franchement. D'accord. Tu sais, ta minute, là. Le niveau a été élevé depuis plusieurs années avec moi, là. On va pas revenir en arrière, là. Et Mathieu m'a vraiment fait signe. Non, je le ferai pas. Je l'apprends pas. Alors, c'est beau. Oui. Bon. Alors, il y a quand même un assez grand background. Pourtant, il dit que ça l'influence pas vraiment dans sa musique, là. Il dit, je me fais tout le temps poser la question, est-ce que tout mon voyagement influence la musique? Pas vraiment. Lui, c'est vraiment ça qu'il aime faire, d'aller toucher à plusieurs trucs et d'incorporer. Passer de Dakar en Dakar sur sa guitare. D'accord. Bon, voilà. Il l'a fait pareil, tu sais. Oui, bien sûr. Bon. Et, fait que c'est ça, c'est vraiment quand même, il y a un beau background. Maintenant, il est établi dans la ville de Québec. Mm-hmm. C'est pas un artiste du plateau. C'est dit avec le doigt en l'air et le nez aussi. Ouais. Mais non, c'est quelqu'un qui vient de Québec, qui tient aussi à faire sa musique là-bas. Et d'ailleurs, la majorité des personnes du collectif Mauvaise Herbe viennent de Québec. Et à travers tout ça, il a décidé de sortir deux albums. Fox qui vient de sortir, c'est sublime. Moi, je l'adore. C'est tellement bon. C'est acclamé par la critique. Et, ouais, c'est pas pire ou... C'est la critique trouve ça super. Et moi aussi, en fait, j'ai vraiment été charmée. Et lui-même dit que Plume, ça ressemblait plus à une fable. tandis que Fox, c'est un peu plus travaillé, un peu plus terre-à-terre. Il y a quand même une espèce d'aspect surnaturel, mais c'est beaucoup plus travaillé. Les chansons sur plume, il arrivait, il fait « Bon, ben, j'ai écrit une chanson, on l'enregistre là. » Tandis que là, il retravaillait ses textes, okay. Il retravaillait la musicalité. Donc, ça fait un album qui est plus peaufiné, qui en vaut vraiment la peine. D'ailleurs, j'en parle, on va aller en écouter. Je vais vous faire écouter la pièce titre qui est une de mes préférées, donc « Fox » de Karim Ouellet. Assemblage requis. Tapis dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi. Sont l'eau fraîche et l'amour. Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ah, donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose. Ne t'en va pas. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ourse, en train de boire à la source. J'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-goutte. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose. Et c'était Fox de Karim Ouellet qui décrit bien, en fait, qui ressemble bien à son album. Très pop, très léger, vraiment agréable. Moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vous a fait penser à quelqu'un, mais moi, sa voix me fait penser un petit peu à M. Mathieu Chédid. OK, ouais. Il y a des petits... C'est pas un nouveau album, lui, qui sort? Oui, là. Il est sorti déjà. Mmh. Il est très bon! On n'a pas eu ça? Non, je peux vous l'amener. Okay. C'est vraiment bon. En fait, là, on reparle pas de Karim Ouellet, mais elle est revenue vraiment à son aspect rock avec Il. C'est très, très, très intéressant. Moi, j'ai adoré. Moi, je suis une grande fan de M. Fait que je t'ai déjà vendu à l'avance. Alors, Karim Ouellet, je vous suggère de vous procurer son nouvel album qui est Fox en vente dans tous les bons disquaires. Alors, la deuxième chronique, je vous parle des spectacles à venir à Trois-Rivières pour la session qui s'en vient, la session hivernale. Donc, tout l'automne, l'hiver qui s'en vient, il y a plusieurs spectacles qui vont être très, très, très intéressants. Moi, je sais pas où donner de la tête. J'ai divisé ça en trois catégories. Premièrement, le théâtre. Il y a trois pièces qui vont être très intéressantes. Premièrement, le classique, le TNM, le Théâtre du Nouveau Monde, qui vient faire sa tournée des régions. Il vient présenter Christine, la reine garçon. Ça, c'est bientôt. C'est le 29 janvier prochain à la salle G. Antonio Thompson. C'est une reine ou un garçon? Mais en fait, décide-toi, là, Christine, c'est la reine... Christine de Suède au 17e siècle, mais ça a été écrit par un Québécois, la pièce de théâtre. Et sincèrement, là, à Montréal, les critiques sont unanimes. C'est une pièce qui est débile et qu'il faut voir. Le TNM, d'habitude, c'est tout le temps bien acclamé, mais particulièrement celle-là, là, le mot s'est passé comme quoi c'est une très, très, très bonne pièce. Alors, Christine Lorraine-Garçon, Gia Thompson, super pas cher pour les étudiants. Ça revient à 17 $, je pense. 18, 20, si tu veux être au parterre. Fait que c'est vraiment, vraiment pas cher. Des fois, ça vaut la peine aussi de lui payer le 20$ pour être au parterre. Surtout oui, une pièce de théâtre. Oui, c'est sûr. Moi, j'aime pas ça être dans le balcon, les genoux dans le front. Là. Ouais. Mais bon. Sinon, les pièces régionales sont à l'œuvre aussi. On a le TGP, le Théâtre des Champs de la Place, qui présente 3 pièces par année. On est rendu à leur 3e et dernière, M comme mensonge, qui va être très intéressant aussi, qui se questionne sur les fondements de l'amour et de sa force après avoir vécu plusieurs épreuves. Et finalement, il y a le TNC, le Théâtre des Nouveaux Compagnons, qui est un petit peu plus amateur que le TGP, mais tout aussi bon, qui présente la pièce Don Quichotte avec plus de 40 personnages. J'ai des amis qui vont jouer dans la pièce et qui font à eux seuls 5 personnages. Don Quichotte comme tiré sur un âne? Ben non, Don Quichotte, hein, c'est comme genre le Don Quichotte qu'on connaît tous. Comme la boutique sur la rue Arc. J'ai jamais imaginé que c'est Don Quichotte. non, c'est pas ça. En musique, là, il y en a beaucoup. Pour les amateurs d'auteurs, compositeurs, interprètes, il y a Daran qui a sorti son nouvel album qu'on a déjà passé au palmarès et qui sera en spectacle à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Ça, c'est le 24 janvier. Marc-Pierre Arthur, le 2 février, pose une présentation. Damien Robitaille aussi, 28 février. Je vous le dis, là, le palmarès est en spectacle à Trois-Rivières. Oui. Il y a Louis-Jean Cormier, le 1er mars. Mais le 1er mars, vous pouvez aussi venir voir la Coupe universitaire d'improvisation qui sera à Trois-Rivières. Mais c'est pas grave. Il y a aussi les trois accords le 21 mars prochain qui va être vraiment drôle. Moi, je vais être là. Ça, c'est où? Ça, c'est tout à la salle Alain Salard-Rousseau. Okay. Donc, les spectacles que je vous dis, même les deux pièces de théâtre avant aussi, c'était ça. Donc, à la salle Alain Salard-Rousseau, je répète, Daran, Marc-Pierre Arthur, Damien Robitaille, Louis-Jean Cormier, les trois accords et Yann Perrault aussi, qui a annoncé sa tournée. Il sera là le 1er mai avec sa tournée À genoux dans le désir qu'on a passé justement il y a quelques instants. Pour ce qui est de la salle Louis-Philippe Poisson, beaucoup plus intimiste, mais avec tout autant de la bonne musique, il y en a 4 qui ont attiré mon attention. Premièrement, la belle Amélie, qui va être présentée le 7 février prochain. Amélie, qui a sorti son deuxième album Le Royaume, qui a été d'ailleurs dirigé par Antoine Graton. Il va y avoir Gros Méné avec Fred, de Fred Fortin. Je sais pas pourquoi ils mettent comme Fred Fortin entre guillemets, ouais. Gros Méné. Mais dans ma tête, c'est Gros Méné. OK. Mais bon, Gros Méné qui sera là avec son rock pas propre le 22 février. Il y a aussi Canaille, qu'on passe beaucoup à C'est fou, qui sera là le 14 mars. Et finalement, les douces Sœurs Boulay, qu'on n'a pas ici, mais qui sont délicieuses. Ça a été les révélations Francouvertes l'année dernière. Ben, cet été, en fait. Là. Alors, elles seront là le 28 mars prochain. Donc, ça, c'était à la salle Louis-Philippe Poisson. Louis-Philippe Poisson, c'est jamais vraiment cher. Là. Ça tourne autour de 17 $. Mais ça vaut la peine pour un très bon spectacle. Pour ce qui est des spectacles un peu plus de variété, au Centre culturel Pauline Julien, on va présenter Speaker 2. Speaker 2, parce que l'année dernière, il y avait le 1. C'est de l'espèce... Du slam, exactement. Sébastien Dulude est souvent dans ses... Denis Carpentier. Exactement. Donc, les mêmes, là. Mais c'est toujours très intéressant. Speaker 2 au Centre culturel Pauline Julien. Il y a aussi Philippe B., qui est le guitariste de Pierre Lapointe, qui a fait un album solo, qui, lui, vient chaque année faire une espèce de formule à deux volets. Il fait... En première partie, c'est souvent lui qui chante avec sa guitare. Et en deuxième partie, c'est souvent un volet danse. Donc, inspiré de la musique de Philippe B. C'est tout le temps très intéressant. Ça fait la deuxième année qu'il fait ça. C'est lui qui danse? Non, c'est pas lui qui danse, mais c'est une collaboration, en fait. C'est comme un spectacle de danse, mais aussi de musique. OK. Donc, la première partie, tu vas voir Philippe. Lui, il va faire ses chansons. Oui, et la deuxième partie, il y a une troupe de danse qui va venir faire des chorégraphies. Pas sur les mêmes chansons, la sûrement. La troupe de danse, en fait, c'est Marie B, Sœur de ce corps. Et ça a l'air vraiment... Mais je trouve ça intéressant, tu sais, de non seulement voir de la danse, mais aussi, en première partie, de voir un auteur, compositeur, interprète. Mais il danse pas sur ses chansons. Non. OK. Et lui, est-ce qu'il danse? Non, je pense pas. Non, je pense qu'il aime juste, justement... Voir de la danse. Exactement. Puis en montrer au monde. C'est de l'art visuel, quasiment. Ça? C'est de l'art visuel, mais aussi musical, puisque Philippe B est là. Donc, ça sera à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Et ça, le 15 mars. Ça va marcher pas mal. Ouais. Prochain. Et le 11 avril, il va y avoir Les Petites Vues qui est présenté au Centre culturel Pauline Julien depuis plusieurs mois. C'est très intéressant. C'est des courts-métrages, souvent des best-of des courts-métrages qui se promènent de la compagnie Traveling. C'est très, très bon. C'est super pas cher aussi. C'est comme 6-7 $ là. Les Petites Vues au Centre culturel Pauline Julien. Et là, je vous ai nommé tout ça, mais c'est seulement un aperçu parce qu'il y en a tellement d'autres spectacles. Et je vous suggère d'aller voir le site internet de www.enspectacle.ca. Il va y avoir la programmation complète. Pour vous mettre l'eau à la bouche, j'ai décidé de vous faire entendre un extrait. En fait, pas un extrait, mais une chanson d'une artiste qui sera là. On va aller entendre La Fête d'Amélie. Tout de suite, assemblage requis, puis on revient pour sortir, on revoir après. Glenn, t'es dans Ramdam? Ben oui. Elle pense qu'elle parle à n'importe qui comme ça. Tu parles à un fan de Ramdam, première saison quand même, là. Et puis Yann Englen, qui est maintenant quoi, aux Oscars, François? Ouais, c'est ce que j'ai cru voir. C'est n'importe quoi. Son court-métrage, Henri, faisant partie de la liste des 11 films retenus. Ben tant mieux, non, mais félicitations. Je dis pas n'importe quoi comme dans... ça, il ne mérite pas, là, mais ça me surprend de voir un acteur de Ramdam aux Oscars. C'est cool. Je savais même pas qu'il faisait des courts-métrages. Bon. C'est réglé pour le sujet. C'est réglé pour ça. Et juste avant de parler d'Yann Englen, on a entendu La Fête d'Amélie qui sera en spectacle au mois de février à la salle Louis-Philippe Poisson. À Bloop Bloop. C'était la suite en fait de ma chronique sur tous les spectacles qu'il va y avoir à la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. C'était bien sûr excellent comme toujours. Tout à fait. Et voilà. Voilà. On te retrouve lundi déjà. Oui, déjà. Ça va être le fun. Ça, je vais être là. À 8h30, même heure? Oui, même heure. Là, parlons un petit peu de radio. Là. Je sais que tu fais plus le boudoir, malheureusement. C'est terminé. Non, je fais plus le boudoir. Non. Tu fais plus les palmarès, c'est fou. C'est terminé. Non, c'est terminé. Ouais. En même temps, c'est une belle carrière pour elle qui commence. Voilà. Oui, c'est ça. C'est bien normal, elle monte, elle monte. Je monte les échelons, petit à petit. Voilà. Mais on va te retrouver juste à Assemblage Requis, c'est ta seule participation à la radio, que je sache. Ben oui, c'est ça, j'ai pas le temps pour d'autres choses, malheureusement. Ben correct, on va te prendre quand t'es là, tu sais. Hein? Ben oui. C'est ça. Au palmarès, c'est fou, ça va être un certain Maxime Tanguay. Est-ce que tu connais, je sais pas? J'en ai juste entendu parler, j'ai jamais... J'ai couché avec, non. Il est super beau. Ouais. Bon, là, pour ne pas... vous voyez les auditeurs, c'est mon copain, là. J'ai pas couché avec de même sur le site, ça à radio, là. Donc, Maxime Tanguay, Stéphanie Paradis, moi-même, au palmarès, c'est fou, jeudi, entre 15h et 18h. Ça passe les vendredis à 17h et les un autre jour dans la semaine qui, j'imagine, sera déterminé une fois que les émissions seront placées. Voilà. Merci à toi. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli. Bye. Ça fait plaisir. Bye. Nous, on se quitte tout de suite parce que La Belle et les Bêtes s'en vient à partir de 9h. C'est bien tout ça, François? Ouais. Donc, restez là pour ça. Restez aussi pour le Dîner de cons à 11h avec Danny Janvier. Ça va être, comme toujours, bien intéressant avec sa bière de la semaine présentée par la Barrique. On remercie Maxime Bilodeau, Simon Fitbé, Alexandre Carignan. Tout à fait. Toi, merci François. Toi aussi, Mathieu. Ça fait plaisir. Lundi, notre janvier épique continuera. Ça, c'est le janvier épique là, pour ceux qui ne suivent pas à la maison. Où on présente une nouveauté par jour. Je vous dis jamais à l'avance quelle sera la prochaine nouveauté, mais une à tous les jours. Et souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est l'émission 498. Hein? 500, ça s'en vient très bientôt. Peut-être y aura-t-il des surprises. Des ballons et des gazous. Oui, si on avait du budget. C'est ce que tu dis que tu vas faire, François? Tu vas aller chercher des gazous? Je vais t'en amener, Matt. Ben, merci, ben. On vous réserve quand même des choses assez intéressantes pour les prochains jours. Donc, voilà. On se quitte avec L'Échiquier, le nouvel extrait de All In Air. L'entendu en début de semaine, on l'a aimé. On essaie de se le mettre dans la tête un petit peu. Donc, bye. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.